Hello, my name is Michel Libier from UKM Internet in France. My job is tough. I do the troubleshooting with Bluetooth wireless Ethernet card, although it doesn't work properly quite often. When I'm finished, tired and breathless at my house, I French my spouse and listen to 70% 70%. Pourquoi donc se donner à fond dans un projet quelconque? Pour s'épargner la déception, c'est plus sûr d'y aller doucement. Un tout petit peu, c'est mieux que rien. Contentons-nous-en, les copains. Ensemble, on donne notre 70%. Pour une quatrième année consécutive, 70% sera à CFME pour le FME. Écoutez-nous de 20h à 21h chaque soir du FME 2017. Peace out. Let's go, Georges. Mathé Luna, mesdames, messieurs, à la guitare. Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... fort, du bon, bon, bon fort, chaton, tweetons, mais doutons encore. Oh! Oh! Oh! Ah! Question de réponse, bidon, pas de nouilles, rien de méchant, pas de bêtises, plus le Jésus est douteux. Merci beaucoup Edgar Borry, une chanson originale qu'il a composée pour nous parce qu'il me trouvait tellement sympathique. Là, j'ai dit, ben présente-moi ta fille, on va se voir à Noël. C'est en suspens rendu là. Merci beaucoup Edgar Borry. Bienvenue à 70%, notre troisième soirée d'affilée au CFME. On est très contents d'être ici encore une fois, c'est sûr. Que de redondance, mais surtout, que de Bruno Corbin, Bruno. Bonsoir Tommy. Qu'est-ce qui va se passer dans la Brunosphère? Ben, je pense qu'on va rapper un peu ça up, là. Oh! Là, toi, c'est ça, c'est plusieurs années de FME. Ouais. Une thématique qui va mourir tantôt. Je pense que oui. OK, ouais. Sortez les cornemuses. Peut-être pour mieux renaître demain. Qui sait? Ouh. Qui sait? Ouais. Seul le Tinder et ouais. La voix de Tinder de Badou pourra répondre. Exactement. Et voilà, donc on retourne à Love Me Tinder avec Bruno, possiblement la dernière fois. Pour toujours ou pas. J'ai une mi-molle, je capote. Merci beaucoup, Bruno. On poursuit le tour de table en début d'émission. Andy Jacques. Allô, allô, comment ça va? Moi, je te garantis qu'on va te passer en premier pour régler le dossier Doris Lussier. Là. C'est, pourtant, il y a tellement... En tout cas, on gagne à y... Oui, je comprends, c'est ça. Plongé. Donc, tu nous sers ça encore. J'ai vu que tu avais acheté un jeu de société à la ressourcerie. Oui, de Gender Gap. Tu gardes ça pour demain? Oui, on pourrait garder ça pour demain. Puis aujourd'hui, je tiens juste à dire, je pense que c'est important, on m'a dit qu'il y avait un dépanneur chanceux ici. J'ai acheté des gratteux, j'ai gagné, donc ça a confirmé la légende. Et j'ai racheté un gagnant à vie que je vais gratter au courant de l'émission. Ah ben, on se tient au courant, on a très hâte. Sinon, j'ai l'impression que ça va être encore vous deux qui allez représenter 70% dans un duel de blagues. Les deux dernières journées ont été quand même été, on était un petit peu décevants. Fertile en émotions. Ben, je sais pas, l'équipe est grande et puis je pense qu'on est avec la profondeur nécessaire pour aller loin en série. À Star, oui. Là, pour l'instant, on est un petit peu faible en début de saison comme ça, mais... On est... Ouais, ben, c'est ça. Ben, faut apprendre à travailler ensemble aussi. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Qu'on patinait plus lentement aussi. Et voilà, on va affronter l'équipe de On prend toujours un FME pour la vie. Oui. Nos amis, le nouveau rappeur François et tout, Ramon Lebrun, ça devrait être assez impressionnant. Et je poursuis mon tour de table. Sylvain, Xmas Noël, une délicatesse locale, un produit du terroir. Sylvain, tu nous parles de quoi ce soir? Ce soir, je vais jaser avec vous autres d'environnement. OK. Parce que c'est un dossier qui nous touche tous. Ben oui, on a tous été touchés à un moment ou à un autre par l'environnement. Donc, ça va être super important de bien écouter. De bien écouter. Et je poursuis, on a Céréales et Réal et Keller de Céréales Killer. Yeah, man. Hello, gros. Puis, qu'est-ce qui se passe de votre bar? Man, je suis wasted un peu. On a du fun, man. Il fait frais de site. Toi, man. Moi, je trouve que c'est important d'en parler, en tout cas. C'est important d'en parler. Il faut parler de sécurité aussi. C'est important, la sécurité, là, juste à le dire de même. Okay. Je sais pas si t'as vu, j'ai mis mes lunettes oranges. C'est vrai. Avec ton coat orange, avec des lignes blanches et oranges. Ouais. J'ai mis mon kit pour l'occasion. Est-ce que vous allez nous faire une chanson live? On va peut-être avoir des surprises au fil de l'émission. Ouais, man. T'as l'a dit hier, c'est notre job. On va te faire une tune live, man. Même si on n'a pas besoin d'argent, parce que comme je t'ai dit, moi, j'ai une game qui s'en vient popper ici. Ah oui, d'ailleurs, tu vas peut-être nous offrir du beat de Game Boy. C'est à quoi tu es en train de jouer? Là, je joue à Blackjack. OK. Donc, je te dis, je fais du cash, man. Pas besoin de que tu me payes. Gros, il est rendu à 8 000 $, gros. Penses-tu vraiment qu'on vient ici de faire des shows, nous autres, man? On est foulés de cash. Ça me fait pas peur, man. Gage ma maison là-dessus, man. Ça me fait pas peur. Et donc, là, on va plugger ton Game Boy pour avoir du. Let's go, lève ton volume. On va partager du gros beat de Game Boy. Fait que là, lui, il est là, là. Excellent. Merci beaucoup d'être avec nous, les gars de Céréales Killer. On va sûrement parler du parc. Donc, si vous avez un petit peu plus de poésie qu'hier à y apposer, laissez ça sortir tranquillement. On a Chinook, le danseur radiophonique allergique au micro. Allô? C'est ça. OK, on le laisse parler? OK, j'aime ça. Même. Merci beaucoup, Chinook, d'être avec nous. Toi, t'es préposé à jiguer la patente. Tu vas danser tout le long de l'émission. Je te promets que je vais lever mes genoux plus haut. Oui, parce que hier, c'était mou. C'est pas vrai, c'était hot. Sinon, ben, on finit avec Jean-Patrick ce début d'émission. Jean-Patrick. Salut. Oui, ben aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans vraiment des textes parce que ça m'a inspiré, ce que j'ai entendu les derniers jours. J'ai décidé moi aussi de me lancer dans un texte. Un texte du terroir, on pourrait dire. Vous tenterez de le deviner, je ne vous le nomme pas tout de suite. Je vais l'interpréter avec ferveur. Et voilà, donc on va revoir une pièce d'anthologie de la littérature québécoise. C'est peut-être pas de la littérature, ça serait plus de la chanson. J'ai la même affaire. OK. Sinon, il n'aurait pas donné un prix Nobel à l'autre là, qui se plaint. Là. Ouais. C'est ça. Hey boy, c'est vaste. Vous êtes à 70% et pour commencer ça de très belle façon, on vient de passer une des fêtes qui est les plus importantes dans le calendrier douteux.org et en fait dans votre calendrier, la dernière fête qui n'est pas encore teinte d'un capitalisme mercantile démoniaque qui vient tout ruiner les belles intentions. On parle bien entendu du Noël du campeur qui date du 25 juillet et on écoute avec plaisir la chanson que Rock Voisine a fait pour le Noël du campeur. Ça existe pour vrai. Vous êtes à 70%. Moi, tout au long de l'émission, je vais vous faire redécouvrir les Frères Gros, qui, à mon sens, un band qui aurait dû venir au FME. S'il y avait eu le FME à l'époque où les Frères Gros remplissaient les stades partout de par le monde. Donc, voilà, vous êtes à 70% sur CFME 100.5. Sainte-Madeleine, Tracadie, du Mont-Tremblant, la ville d'Igely, y a une tradition qui se poursuit. L'amour ici jusqu'à percer, c'est un soir que ça va se passer, on est en train de l'organiser. Ma tante Rachel a passé la journée. Mon oncle Edmond en construction est en congé. Puis tout le camping est décoré. C'est Noël, on est du bain au bout du quai. Quand il fait 25 à long, 25 juillet. ventre à l'air, sous le soleil, le Père Noël, en vacances, aura le temps de nous visiter. On le verra deux fois cette année. C'est Noël, on est-tu bien au bout du quai? Quand il fait 25 à Londres, 25 juillet. C'est Noël, en été, bonne neige à pelleter. C'est un peu comme ça. Salut Andy. Comment ça va? Ça va très bien. Tabarnak, ouais, on n'a pas mis le feu dedans ou, non, ou on a mis le feu dedans puis ça l'a survécu? Je pense que ça l'a survécu. Okay, je me rappelle, moi, avec vaguement qu'on avait mis le feu dedans dans le show de Dr. V hier. Ouais. Écoutons. C'est ça. Il est revenu, hein? Donc, t'es ici pour nous faire l'humour. Oui, on... Ça aurait pris ton... C'est pas juste moi, là, je veux dire, on va faire l'humour c'est ensemble, c'est collectif. Avant que tu commences, Andy, s'il te plaît, sincèrement, au nom de tout le monde, des auditeurs, en voix d'un commun accord sérieux, va chier. Man. OK. Ben, ça fait plaisir. C'est ça. Alors, c'est pour ça que j'ai pris un des plus longs, qui s'intitule « Le triomphe de l'apparence ». Alors, place à l'humour. On a bien fait de commencer par ça. Ouais. Place à l'humour. Avant de partir pour une soirée de gala, une dame du monde, debout devant son miroir, demande à son mari « Chérie, est-ce que ma robe est décente? » « mais oui, mon Dieu, c'est ce que je craignais. » Dans le monde, dans le grand monde, moins une femme est vêtue, plus elle est habillée. Mystère insondable de l'éternel féminin. « Mais je serai le dernier homme, vous pensez bien, mesdames, à me plaindre de ce que votre beauté, qui est le pain quotidien de nos yeux affamés, nous soit offerte avec le maximum de transparence. » Car si on a dit, et avec raison, que la vérité doit être toute nue, je ne vois pas pourquoi sa sœur, la beauté, n'aurait pas le même privilège. et vous ne me verrez jamais bouder mon plaisir de lire entre vos lignes et au-delà de tous les artifices de tissu qui s'ingénient à voiler ce qui fait votre charme. Et sérieux, mon admiration. Je te jure, ce gars-là se branle en écrivant ses affaires. Ben, il est mort. Il est mort en 93. Il se branlait d'abord. Ouais, probablement. Les fragiles barrières de linge que votre pudeur calculée s'évertue à dresser entre vos... S'évertue entre vos formes somptueuses et nos regards coquins n'empêcheront jamais ces derniers de les franchir allègrement et de faire leur pâture de tout ce que vous dissimulez avec art pour mieux nous le suggérer. Fait qu'il aime ça les culs, dans le fond, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Okay, c'est « I like big butt and I can't c'est ça, OK, let's go, Doris. Arrangez-la comme vous voudrez. Une belle femme, c'est une belle femme. Ah, oh, c'est assez, là. Ben non, il me reste une page et demie. Les femmes! Hein? Et toutes les lois et les religions du monde dussent-elles se liguer pour essayer de nous convaincre qu'il est mal de nous régaler avec gourmandise de ses charmes, elles ne parviendront jamais à nous distraire de ce désir. D'ailleurs, que ce sont les regards d'admirative convoitise que les hommes ne cessent et ne cesseront jamais de poser sur la beauté des femmes, sinon la prière de leurs yeux à la gloire du Créateur qui les a voulues telles qu'elles sont. Non. La seule chose qui me fait un peu de peine, je vous le confesse, mes sœurs, c'est que des gens sans scrupules profitent de votre goût naturel de la beauté et de votre sens inné de la variété pour vous exploiter honteusement. Les couturiers, ces saboteurs impétinants de la féminité, et les capitalistes, leurs complices, ont inventé une machination diabolique, un piège infernal où vous mettez aveuglément vos jolies pattes, la mode. La mode, ce n'est pas la manière qu'ont les femmes de se vêtir, non. C'est la manière qu'ont trouvé les hommes de les exploiter. Pour faire marcher le commerce et faire de l'abondant pognon, on a déjà établi que ça ne marchait pas, de l'abondant pognon, ils ont inventé une règle d'or, le changement perpétuel. La mode, c'est ce qui se démode, disait Salvatore Dali. 10 ans plus tôt, une robe est insolite, 10 ans plus tard, elle est devenue ridicule. Et 100 ans plus tard, on la redécouvre et elle devient exaltante. Elle est, comme la femme et la valse, toujours pareil et jamais la même pourtant. Le mode, c'est n'importe quoi à condition que ce soit autre chose que c'était avant. Ça tourne en rond et ça finit par redevenir ce que c'était. Gardez vos frusques, les petites filles, elles vous resserviront plutôt que vous ne croyez. Moi, ce que je vous en dis, vous savez, c'est pour vous rappeler que vous vous faites copieusement rouler par les entrepreneurs en changement rentable. Ces gars-là sont prêts à vous enlaidir au point de vous rendre affreuse si ça les rapporte. Et vous marchez. Remarquez que c'est toujours beau de vous voir marcher, mais pas dans n'importe quoi, grand Dieu. Quand je vous vois sortir attifé de hardes primitives qui vous font ressembler à la femme des cavernes, je vous plains un peu. Et quand en plus je pense à ce que vous payez pour ça, alors là, je me désespère. Mais je sais bien que mon désespoir est inutile, car vos exploiteurs trouveront, hélas, toujours en vous des complices inconscientes de leur cupidité. Car, c'est bien connu, et hey, ce sera toujours comme ça. Tabarnak. Ça achève, il reste 4 chances. Je suis vraiment, vraiment tanné. Car, ben tu ris pas? Non, je n'ai vraiment plein de cul. Je comprends pas. OK. Car, c'est bien connu. Y a-tu un punch? Ouais, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Faut que tu lui donnes une chance. Faut que tu laisses macérer, là. Car, c'est bien connu, et ce sera toujours comme ça, la femme trouve deux plaisirs dans une nouvelle robe, celui de la choisir et celui de la changer. Et elle sait bien qu'elle joue gagnante sur tous les tableaux, car elle a la certitude, confirmée par les siècles de l'histoire, que, habillée ou non, elle sera toujours par nous regardée, admirée, désirée et, avec sans et même malgré ce qu'elle porte, aimée. N'est-ce pas l'essentiel? Okay. Les femmes, hein? Oh, les attends, femmes. Le punch, c'est n'est-ce pas l'essentiel? Ouais, ça, c'est le punch, là, OK. C'est de l'amour, c'est de l'humour des années 70, peut-être qu'on comprend pas. Ah, non, on comprend vraiment pas. Je suis vraiment content qu'on se soit débarrassé de ce dossier-là en début d'émission. Ça m'a fait plaisir. Et d'ailleurs, on va passer au travers de l'autre partie obligée. C'est notre très bon ami Mathieu Potvin qui... Après qu'on ait perdu tout m'a acheté deux dernières missions qui étaient ici vendues chez Gib à Évin. La dernière mission qui est la bière officielle des Douteux qui s'est brassée par Marc Bélanger du Brouhaha. Et donc, j'ai une canette ici à faire tirer. Et je ne sais pas comment qu'on pourrait faire tirer la canette de dernière mission. Geneviève, c'était ta fête hier? Viens, tiens, tu as gagné la canette de dernière mission. Bravo! Bonne fête, Geneviève! Fait que le concours, c'était la personne qui est la plus proche de nous puis que son anniversaire est le plus proche. Genre. Non, mais c'était plus une manière pour que l'année prochaine, on puisse lui dire, on peut-tu, mettons, que ta fête gâche pas notre FME? Ouais, ça serait fun, ça, pour vrai. Sinon, vous êtes à 70%, c'est un petit peu comme d'habitude. Et en fait, tantôt, je vais vous parler en profondeur des frères Groux. Pendant que vous entendez, s'il te plaît, Killer, t'es en train de jouer à... Blackjack, man. Faut pas que tu me parles, là, parce que là, je suis déconcentré, man. Je suis comme en train de perdre mes affaires. Okay. Comme miser mon kit. Ok. T'es en train de le perdre. Bon, tantôt, je vais vous parler des Frères Groux, un groupe qui serait sûrement venu au FME s'il y avait eu le FME en 1990. Ouais, mais ils sont pas là. On va donc là-dessus écouter une de leurs chansons, un gros hit, La Bombe, un look d'enfer à 70% au 100,5 sur CFME. Tout le temps du FME. On est-tu content d'être ici? Yes, gros! Et voilà, de retour à 70% après l'excellente Un look d'enfer de nos amis les Frères Groux, de qui on parle aujourd'hui à 70%. On s'en va rejoindre Sylvain Noël pour notre chronique abitibienne. Let's go, mec! Ben aujourd'hui, on va jaser d'environnement. Puis en fait, ce qui m'a amené à vous parler d'environnement, c'est que l'autre matin, je me suis levé puis je suis sorti dehors. Puis là, j'ai eu comme, on dit, un clair de génie. Je me suis rendu compte que j'étais comme entouré d'environnement. Puis là, c'était vraiment spécial. Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de voir de l'environnement ou qui ne savent tout simplement pas de quoi je parle avec mes termes scientifiques, j'ai fait quelques recherches pour vous, puis voici la définition que j'ai trouvée sur la toile du Québec. En fait, Les boys, hein? Je ne l'ai pas loadé, là, je vais... On va la ressortir, ça ne sera pas très long. Donc, l'environnement est l'ensemble des éléments qui constituent le voisinage d'un être vivant ou d'un groupe d'origine humaine, animale ou végétale, et qui sont susceptibles d'interagir avec lui directement ou indirectement. Ceci dit, avec toute la rigueur journalistique que vous me connaissez, ben, je dois dire qu'en fait, je suis en total désaccord avec cette façon de définir l'environnement. Ouais. Pourquoi? C'est juste un feeling, en fait. Parce que dans le fond, pour moi, là, ça serait facile aussi d'arriver... puis de faire comme eux, d'arriver devant vous, de dire plein de mots, ponctués de ponctuation, puis qu'en bout de ligne, ça fasse des phrases complètes puis pleines de bon sens. Mais je pense qu'on n'en est plus là. C'est vrai. Il faut que l'humanité se rouvre les yeux. Parce qu'encore de nos jours, il y a des gens qui vivent sans environnement. On est en 2017. Les effets du bug de l'an 2000 s'estompent peu à peu. Il y a des millions de recherches qui se font sur le cancer, puis des milliards de recherches qui s'effectuent sur Internet à chaque jour. Puis à côté de ça, ben il y a du monde qui n'ont pas accès à un environnement potable. On est en 2017. L'homme est capable de regarder l'espace. Les téléphones sont de plus en plus intelligents, si bien que je vais probablement pouvoir me départir de ma pagette dans un horizon de plus ou moins 5 ans. Puis à côté de ça, ben il y a certaines personnes pour qui l'environnement... ça reste un rêve inaccessible. Une divague chimère. Là, c'est assez. Faut que ça cesse. Parce que plus que c'est pareil, ben moins que c'est différent. Puis moi, je suis quasiment sur le bord de ta bout. On est en 2017! Puis l'environnement, faut que ça devienne number one. J'irais même jusqu'à dire qu'on est à l'an 1 de l'environnement. L'environnement. Puis l'année prochaine... ben, ça va être le 2 environnement, puis le 3 environnement, puis ainsi de suite, jusqu'au centenaire de l'environnement. Puis ensemble, tous ensemble, les hommes, les gens et même le monde, on va être heureux, puis on va fêter sans environnement. Merci. Aïe, aïe, man. Word. Toutes des mots. De toute beauté. Merci beaucoup, Sylvain Noël. Plaisir. On t'a senti impliqué, fébrile. Oui, j'en parle à voix. Ça me rend émotif. C'est toutes des choses quand que même, tu me tiens un peu à cœur. T'es-tu le genre de gars qui va être avec nous autres demain soir pour continuer l'aventure? On va essayer. On va en parler avec ta blonde. Oui, c'est ça. C'est bon. Ça dépend si t'es encore sa fête ou pas. Merci beaucoup d'être là. Sinon, on vient d'être rejoint par Ramon Lebrun, François, qui va tranquillement tantôt venir... en fait, avec ton team, François, je vois ben, personne. Mon team de une amie. OK. Parce que les autres, ils ont fait des affaires et ils sont pas capables de venir. On les salue. On se reparlera de ça quand il y aura moins de micro. Mais moi, je suis un gars de parole. Fait que je t'ai dit que je serais là. Il est même avant 8h37 de 20 passer l'os. Effectivement. Fait que je suis là. Et voilà. Merci beaucoup, Ramon. On te revient dans pas longtemps. On va parler un petit peu avec M. Paumé, Paumé, collaborateur de Maillé Podcast. Tout à fait. Ben, vas-y, parle-moi de ça, ce projet-là. Ben oui, dans le fond, un pitch un peu Production Podcast. On est comme des frères, dans le fond, un peu. On est tous là-dedans. Puis, on a un petit show Témiscamien. Un petit podcast qui se passe au Barbe Brew Pub de Ville-Marie avec Simon Maillé. Ça s'appelle Maillé Podcast. Faire une histoire courte. Maillé, c'est un grand monsieur de 6 pieds 4, 300 livres. grand monsieur qui n'a absolument pas froid l'hiver. Ça prend vraiment toute une température sibérienne pour qu'il mettre un survêtement. OK, donc il n'a pas de côte. Il n'a pas de côte, pas de casque, pas de côte, jeu de mots. On remercie Martin Godette pour avoir participé à ce jeu de mots. Ben oui, c'est quand même assumé. Et chaque semaine, vous avez un podcast? On est en break, comme un bon couple qui a besoin de temps en temps de prendre l'air à l'extérieur. Alors, on est arrêté jusqu'à la fin septembre. On fait, dans le fond, le lancement de la deuxième année. On devrait avoir quelques sbires avec nous. Je pense que Frame Pocket du Crachoir pourrait venir faire son tour. Pascal Gina du Pervy Show. Peut-être même Tommy. On va te lancer l'invitation. Oui, j'aimerais ça en sapristi. Ben oui, c'est sûr. Faire un peu une suite là, de le fameux épisode 22 qui s'était passé au mois de février. On avait eu du plaisir. C'était toute une expérience. Ben oui. Puis sinon, de quoi vous parlez en général? Est-ce que c'est de l'actualité témiscamienne? Ben, on a toujours un... On appelle ça le « ça se parle dans le village ». On a toujours cette petite rubrique-là où on va souligner les bons coups témiscamiens. Puis... on cherchait de quoi d'intéressant à place d'appeler ça la bonne nouvelle témiscamienne et faire ça Archi TVA. On a décidé de faire un petit concours. C'est bon, ça. Ça se parle dans le village, ça se dit là-bas. Et puis, est-ce qu'il y a des chèvres d'invités à votre podcast? Ben, dans la mesure où c'est possible, ils ont reçu nos invitations. OK. Là, c'est maintenant de leur main. On les salue, je suis un gros fan de chèvres. C'est, pour ça, c'est parfait. Et puis, ben, salut de toute ma gang au Témiscamingue. Je suis un godette de Béarn, donc à Yav de Curse. Ouais, puis c'est un. Juste pour continuer un peu tantôt, que c'est un show dans le fond que. Oui, on va peut-être aborder d'actualité témiscamienne, mais on parle un peu de tout. On a des chroniques un peu loufoques. Je salue entre autres Jay qui nous fait souvent des top 5 des plus beaux statues Tinder, par exemple. C'est de quoi d'assez. Assez à se dilater la rate. Moi, j'ai toujours mon fameux top 5 de sujets que j'apprécie, mais finalement, c'est quasiment tout le temps autour de la musique. Donc, c'est ta passion. Je m'assume un jour là-dessus. C'est ça. Un top 5 musique tranquillement. C'est sûr. Ben, merci beaucoup d'être passé nous voir. Ça me fait plaisir. Donc, c'est Maillé Podcode sur Production Podcast. Merci. Super. Nous autres, on est à 70%. Et avant d'aller vers notre prochain chroniqueur, on va voir ce qui se passe là. J'ai vu que François, le nouveau rappeur, c'est comme sauver, chercher son team, j'ai l'impression. Peut-être tu vas te retrouver à compter des jokes, on va voir tantôt. Sinon, bon, on va retourner en musique avec les excellents frères Grou. Celle-ci s'appelle Sun Siré. À Sun Siré. C'est une bombe, ça. Dans les années que ça a sorti, là, tout le monde aimait ça. Partout sur Terre. Overall. Partout. Regardant le ciel. depuis 10 ans. Au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorimier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. La chronique à Jean-Patrick! La chronique à Jean-Patrick! Salut Jean-Patrick. Salut, salut. J'ai entendu dire que c'était ta chronique. Ouais, ouais, ça a l'air. Alors écoutez, je vous fais une belle interprétation. Je vous dis pas le titre. Puis, ben c'est ça, je pense que les gens vont le reconnaître. T'as parlé que tu nous amenais un classique de la littérature chanson un classique, classique, qui date aussi des années 70, pour faire un petit peu comparaison avec ce que nous offre Andy depuis les trois derniers jours. En voici. La petite grenouille dit au crapaud. Ah, mon Dieu. Passe-moi 30 sous, t'auras de la peau. Ma crise de chienne. Mais le crapaud lui répondit... Moi, je veux pas sortir la nuit, puis je garde mes scènes. C'était une chatte et un matou qui se disaient des petits mots doux en dessous du poêle. Soudain, la chatte se fâcha et dit « Mon tabarnak de chat, essaye pas de m'avoir. » Je me suis fait faire une graine en bois, deux gosses en laine. On s'est mis à deux pour la crosser. Elle ne voulait pas décharger la petite enfant de chienne. Les petites filles à Cumberton, ils sont chaudes comme des moutonnes, les petites bonyennes. Ça se déculotte sur le bord de la côte, et puis une botte attend pas l'autre avec Antoine. Un habitant bien orgueilleux s'était fait faire une graine de bœuf, grosse comme la mienne. En allant fourrer ses vaches, elle lui faisait la grimace. Ah, oh, l'enfant de chienne. Il y a des petites filles à Saint-Zénon qui aiment se faire pogner les totons. Ah, oh, les petites bonyennes. Si elle porte des culottes fendues, c'est pour mieux se faire pogner le cul. Ah, l'enfant chienne. Un petit morpion motocycliste prenait mon trou de cul pour une piste. Roulait sans trêve. Quand soudain, dans un détour, il fit un dérapage et puis tomba dans merde. Alors, je suis pas curieux. Je voudrais bien savoir pourquoi les filles blondes ont le poil du cul noir. Pourquoi les grosses négresses à 90 ans s'arrache le poil des fesses pour en faire des brosses à dents. Ah, si mon cœur était grenouille, je me creuserais un lac. Puis moi, j'aime ça quand ça chatouille, quand ça fait flic, flic, flac. C'est mon oncle Armand en sautillant. Il pognait les cuisses à ma tante Alice, ma tante Germaine, se courbait le corps, suçait la graine à mon oncle Hector. Fourrez-vous, Madame Giroux, fourrez-vous, Madame Giroux, dans votre grand trou. La poche à mon grand-père est au plafond pendu. Ma grand-mère en Saint-Ciboire lui arrache les poils du cul. Elle monte dans l'escabeau pour en extraire le jus. L'escabeau tombe par terre. Grand-maman sur le cul. En bicyclette à gazoline, envoyé donc pendu. Faux par en avant, t'auras de beaux enfants. La petite fille, les petites filles du rocher percé, je vous dis qu'elles sont bien faites. Mais elles ne veulent pas faire minette pour un paquet de cigarettes. J'en ai fourré des Gaspésiennes. Ah, je vous dis qu'elles ont le sang chaud. J'en ai eu pour une semaine à me gratter le bout de la graine puis avoir mal au garlot. Pogne-moi donc le cul, Germaine. Je te pognerai le tien tout à l'heure. T'as pas vu ma graine quand elle est pleine à sa longueur. Monte en haut dans ma chambre puis attends-toi sur le lit. Tu l'auras dans ta grande fente, la pissette du Saint-Esprit. C'est la fête à Saint-Antoine, la fête du grand jobber. Ma femme s'est trouvée pleine dans les semaines des 40 heures. C'est la faute à sa mère si elle lui a pas cousu la petite boutonnière à 2 pouces du trou de cul. Si tu m'aimais, chérie, tu me ferais des nouilles et pendant que tu y es, tu me sucerais les boules. Il y a la louille du yodo, donc. Alors voilà un grand texte des années 70. Shit, dude, hein? On s'excuse pour les oreilles sensibles. Ça s'appelait La Petite Grenouille. C'était sur un album qui était dans toutes les bons parties de Noël. C'est André Guitare, El Gros. Exactement. Wow, okay. Exactement. André, bravo. Je connais mon country du terroir. Yes, voilà. Sir. Merci, Réal. Merci beaucoup, Jean-Patrick. Ça fait plaisir. Non, on va laisser un petit peu d'Allegria pour se rincer ça en dedans. Puis on revient avec les amis de On prend toujours un FME pour la vie. Savez-vous que ce n'est pas une langue ce qu'ils sont en train de chanter, c'est le Cercle du Soleil inventait des langages avec des émotions un petit peu à la Joran et tout. Comme dans les Sims. Oui, exactement. Vous êtes encore à 70%. On arrive au moment de la soirée où on met carte sur table. On est allé lancer des défis à toutes les émissions sympathiques. Qui sont nos amis. Yo, tu cherches le beef, Tommy, là, je te coupe. Puis c'est ton émission, t'es venu couper la mienne l'autre fois. Ben là, man, on va régler les vrais problèmes dès maintenant. Let's go, Ramon, c'est toi qui commences. Je vais te laisser t'expliquer ton affaire. Oui, ben vous faites une blague chacun. Si je vois à partir de maintenant que toi ou ta charmante coéquipière, peut-être tu peux nous la présenter avant qu'on se lance. Oui, c'est Stéphanie Robillard de l'émission Les Charlottes et ça va mal finir de CISM 89,3. Ouais, c'est un show de radio. Les autres gars sont vraiment trop chauds. Surtout Riff, il part toujours à rire à rien. Fait qu'on m'a dit, ben, tout a l'air bête, viens t'en jouer. Ah, voilà. J'ai pris la meilleure. Excellent move. Stéphanie et Ramon. Nous, on présente encore nos deux champions. En fait, nos deux. Vous êtes comme. Nos deux champions. Notre troisième trio. On est les titans de 70%. Un jour, on y croit. Bruno, peut-être qu'on pourrait comme flipper des. Tiens, il y a des lunettes. Ah, il est où, Nono? Il y a un genre combien de questions? Oui, parce que moi, j'ai fait comme pas tant de blagues. Mais là, peux-tu expliquer qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est 70% qui commence. On a Ian Campbell qui veut dire son mot. Sémantique. Excellent. Je te l'avais promis hier, Bruno. Oui, je l'ai dit. Je m'en allais, là, je passais en avant, j'ai dit arrête le char. Sémantique. Et voilà. Sémantique. C'est fait, c'est réglé. Mais c'est Ian Campbell qui est venu faire exactement ce qu'il a promis. Bravo! Est-ce que sa soupe est bonne? Ça, c'est pas clair. Ça, c'est un homme de parole. Même. Ça, c'est un homme de parole, on va dire. Comme... Là, peux-tu expliquer les règlements? Comme killer? Oui, à partir de maintenant, parce que hier, c'était quand je finis de parler, dès que vous démontrez de la joie, Stéphanie, Ramon, Andy ou Bruno, c'est un point à l'autre équipe. Si je vois des dents, si je vois n'importe quoi, pour quelconque raison, du bonheur, ça donne un point à l'autre équipe. Là-dessus, on lance des blagues. Chacun notre tour. Première équipe qui a assez de points à mon goût, on a fini là-dessus. Donc, c'est à vous, messieurs de 70%, à lancer les premiers boulets. Je commence? OK, on y va. Deux hommes discutent. On a beaucoup écrit sur moi. Ah, vous êtes connu? Non, tatoué. Next! Quand j'étais dans ma crise d'adolescence, j'ai dit une phrase classique à mon père. T'es pas mon père, c'est sûr que tu m'as adopté. Lui, de me répondre... Tabarnak, j'aurais jamais payé pour un enfant aussi laid. OK, next. J'avais des problèmes réglés. C'était triste, ça. On salue ton père. Ouais, c'est ça. Monsieur Larrivière. J'ai perdu un point. Ouais, OK, un point à l'équipe de Tabarnak. Hey, Andy, on a été. T'as oublié c'était quoi les règles ou on pourrait peut-être changer Andy pour Xmas? Non, OK, c'est bon, on garde notre goaler. Vas-y, Bruno. C'est un gars qui rentre dans un restaurant, il regarde le menu, il est écrit « Sandwich au jambon 5$, sandwich au poulet 5$, masturbation 10$. » Il se retourne vers la serveuse, il dit « C'est toi qui fais masturbation? » Elle dit « Oui. » Il dit « Va te laver les mains, je vais te prendre un sandwich au jambon. » C'est bon, on a fait une fente dans la carapace, on va voir Stéphanie. C'est un classique. Tu sais, c'est... Oui. C'est qui le pire vendeur à la SAQ? Il vend pas de vin. Logique. Poursuis. C'est sensé. Où portons les bretelles les plus longues? À Cuba. Pas fou. Ouais. Quel est le type de vin préféré des gens qui n'ont jamais payé pour une automobile? Le Chardonnay. On regarde pas la bride. Hein? C'est pas bon. Merci, je l'ai écrit moi-même. OK, next! C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise. L'égalité est créée. C'est ton regard coquin qui m'a eu sur celle-là, tabarnak. C'est le gros Stéphane. Excellent move. Allez, c'est vrai? Non, t'as peur. C'est comme un but, là. Stéphanie a pas vraiment rire là-dessus. Ni le défenseur, ni le goal. S'il y en a un qui perd, on peut rire le 10 secondes que ça nous donne. C'est à votre contre-attaque, madame, monsieur. C'est quoi le moyen de transport de Daniel Boucher? L'auto-biz. Ah, c'est pas bon. On passe à la prochaine. On est bas. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chapin de Noël. C'est écœurant. Tout, ouais, je comprends. C'est bon, next. Comment on appelle ça une tempête de vêtements? Un tissu nami. Pas loin. Pas loin. OK, c'était pas loin. Je tiens quelque chose. Tu tiens le morceau. T'as vraiment un talent rare, hein? Oui, pour les jokes de marde, je suis bon. Non, c'est bon. On retourne à l'équipe de 70%. Bruno, on vous rappelle, c'est l'égalité 1 à 1. Bruno, je te fais la passe. Oui, connais-tu le groupe de musique Tortilla? Ils font surtout du rap. Pensez-y. It's a rap. Mm-hmm. Ouais. Et voilà, on retourne vers, on prend toujours un FME quelque dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec les voleurs de salade? On les tue. Yes, hein? C'est pas avec ça, eux autres. Ouais. Non, ouais, gros. Dans quel c'est pays? Un village sans. Wow, hein? Sans aucune patience. OK. Un avaleur de sabre entre dans une mercerie. Bonjour, je voudrais des aiguilles. Ah, vous faites de la couture? Non, je suis au régime. On retourne vers Ramon. Qu'est-ce qu'un japonais italien dit quand il dit merci? Ça va bien aller, vas-y. Arigatoni. T'as compris? Hein, Bruno? Ouais. Vas-y, Bruno. Tu crains un petit peu, là. Ça va te ressaisir un peu. Veux-tu que j'y aille? Ouais, vas-y donc. J'en ai une de prête, là. Je suis correct, là. Je reprends la passe. Docteur, je crois que j'ai besoin de lunettes. Oui, certainement, c'est une banque ici. Ça m'arrive tout le temps. Je sais. Ben, je c'était ton histoire. Madame? Qu'est-ce que ça écoute une vache? De la musique. Peux-tu répéter? De la musique. Ok. J'ai le goût de rire, mais je le ferai pas. Oh, wesh! C'est galère! T'es-tu ressaisi, là? J'avoue que la dernière blague était comme... Ouais, était vraiment, c'est ça. Ouais. Toc, toc, toc. Qui est là? Denis. Denis qui? Denis Lévesque. C'est Pascal, salut. Oh shit, on s'attendait pas à ça. Yo, wow. Fuck, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, contre-attaque. On parle Ramon, maintenant. Sais-tu pourquoi à chaque fois que je bois, ça vire en tempête? C'est pas. Parce que je bois tous les typhons. Shit, hein? Ouais. OK, on retourne du côté de 70%. Pourquoi Napoléon a pas acheté une maison? Parce qu'il est con. Non. Parce qu'il avait un bon appart. Si j'habitais avec pendant un bout. Ouais, ben. C'était comme un 4,5 dans Rosemont. Ouais. Ce qui est bien, c'était super désagréable parce qu'il avait toutes les pièces à lui. Là. Ce qui est bien, c'est que lui, il a juste besoin d'un demi-demi. Vu qu'il est petit. Ouais, c'est vrai. Il y avait un grand balcon. C'est vrai qu'il était pas super petit. Bon, on diverge. Hein. Terciverge. C'est à toi, Roby. Qu'est-ce que ça dit un Mexicain en faisant la vaisselle? C'est sale, ça. Ouais. Bruno. On retourne à 70%. Non. T'es correct. C'est lequel l'humoriste qui aime ça manger sa marde? Moi. François Massicrotte. Oh, c'est pas drôle, ça. Ben, moi, je la trouve excellente. Mais... Et on va aller voir avec quoi Ramon va contre-attaquer. Comment un érudit de la langue s'esclave de rire? J'ai hâte d'entendre ça. Ha, ha, ha, B, C, D. Ouais, entre autres. Un érudit de la langue. C'est qui a pu être intelligente? Une blonde, une rousse ou une brune? La rousse, parce que c'est un dictionnaire. Ramon fait comme si les deux autres content. Sont des bières. Information utile. Ben, c'est pratique. C'est quand même vrai qu'on a besoin de le savoir. Je suis plus genre Petit Robert, mais bon, ça fitterait pas très bien dans ma vie. J'ai l'impression que tu l'as mal compté aussi. C'est qui la plus intelligente? La rousse, la. Tu sais, mais je t'ai dit une. La rousse, es-tu illustrée ou pas? Si elle est pas illustrée, on s'en calisse. Oh, bien dit, Stéphanie. Shots fired. Je pense qu'on retourne vers toi. C'est ta réplique, là. Je suis désolé. Hein. Pourquoi tu t'excuses? L'autre, il vient de nous lire la grenouille puis le crapaud. Ouais, ouais, ça va être eux. C'est quand même vrai que c'était très, très bon. Puis j'ai fait Doris avant. Fait que... ah. Non, toi, va chier. Mais je sais. OK, Stéphanie. Ben, celle-là, je suis gênée. C'est quoi un yogourt dans la nature? Ben, je l'ai raté. C'est un yogourt nature? Ouais, c'est ça. Fait que c'était quoi le setup? C'est quoi un yogourt dans la forêt? Ah! Ça, t'es Bruno, je serais bien. C'est des choses qui arrivent, hein? Les boys, on s'en fout. Hein? Ben non, oui. Ben non, on s'en fout. Ça aurait pu être bon. Ben, c'est pas grave. Non, mais c'est parce que j'avais une blague à faire, mais il y a déjà été fait. Le stoïcisme est solide. C'est le temps de pogner à pas et poter dans le but. Let's go, Bruno. On s'en fort. Je suis gêné. C'est deux Montréalais qui marchent sur une voie ferrée. Hey, il est long cet escalier-là. Ouais, puis la rampe est basse. Oh, yo, man. Faut réfléchir, ça. Le mois de marche. Mm. Oh. Ce qui est bizarre avec un homme canon, c'est que il est toujours à un saut d'être un homme canonisé. Shit, hein? OK. Un chien et un homme sont sur un bateau. Le chien pète, l'homme tombe à l'eau et se noie. C'est quoi la race du chien? Un bulldog. Un pékinois. Un pékinois. Un pékinois. Un pékinois. J'aime tellement ça, les chiens. Je le sais. J'ai-tu le droit de roter? Mmh. Oui. Mais oui, moi aussi, j'ai juste envie de roter depuis le début. Ben, vas-y, Stéphanie, ça va être à ton tour de compter une blague. Et est-ce qu'il faut que je rote avant ou après? Tu peux faire ça en peut même être temps. Ton punch. T'es vraiment la maîtresse de ton rote. Je vais prendre une très grosse gorgée de vin dans ce cas. OK. Rote toute ta joke. Oh, c'est du vin là-dedans? Ouais, on n'y est pas que ça. Hier, j'ai fait une blague sur les magasins. Elle n'a pas super marché. Ah. C'est un rot aussi faible que la joke, hein? Je connaissais, moi. Hier, j'ai fait une blague sur un paraplégique. Ça a pas super marché. Aussi. Je ris pas plus. Puis après, mais j'ai fait une joke. Je la trouve quand même bonne. Après, j'ai fait une joke de chimie. Puis il y a eu aucune réaction. C'est quoi t'as essayé d'affaire? C'est un peu l'histoire de tous les cours de chimie. Je sais pas pourquoi l'arbitre est en train de participer. Mais oui, l'arbitre au est rendu comme joke, le grand. Il est en manque d'attention parce que c'est égalité. On commence à arriver au prochain point gang. J'essayais de. C'est là que tu t'en viens. Le stoïcisme est grand. Ouais. Comment t'appelles ça un événement où tu peux tester ta pizza puis tes pâtes? Un open mic. Mais il y a de la bonne pizza au mic. Ouais, mais il y a déjà quelqu'un qui a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus au complet. Que... une vidéo sur le fait qu'il y a de la bonne pizza au mic. Oui. Moi, ça s'appelle une publicité de mic. Ah! C'était hors contexte, ça. Effectivement, ça compte. On vient d'avoir le dernier point. T'as démontré de la joie et t'as... Oui. Ramon, t'étais fort, t'étais stoïque, mais pas assez pour l'équipe de 70%. Merci beaucoup, ce qui veut dire désolé. Que demain, on prend toujours... On a gagné pour la première fois, merde. Jusqu'à on date, a gagné! Vous êtes la pire équipe. Ce qui est blague, parce que vous vous êtes fait battre par les perdants. Ça veut dire que demain soir, on prend toujours un FME pour la vie, va être une présentation de 70%. Oui. Donc, mais comment c'est ça qui est l'avantage, c'est que j'anime même pas ce show-là. Ben, ça veut dire que ton show aussi va être une présentation de 70%. Ouais. Deux d'un coup. Merci beaucoup, François. Merci, Stéphanie. Non, non, dis-moi pas merci, je suis en tabarnak. Alors, je pense que c'est de circonstance de... Ouais, c'est ça. Maman rappelé, je vais plus venir à tes lundis, Tommy. On en refera une live. Là, tu trouverais une coéquipière qui a plus d'allure aussi. Ça n'a pas rapport. On par le gars habillé comme avec tout l'ensemble du club piscine sur lui-même. Exactement. Sinon, on va aller écouter Puff Puff Mix de Serial Killer. Est-ce que vous avez peut-être à présenter cette chanson-là? C'est un party comme mal fini mais qui a très bien commencé. Ouais, écoute le premier couplet. Okay. C'est ça, man. Puis, pas mal notre quotidien, je te dirais, qui est réuni dans une seule et même track stéréo. Man. Vous êtes à 70%. Merci beaucoup, les amis, Stéphanie, François. Wow. J'espère qu'on va réussir à régler ce beef-là, nous autres. Parce que... un plaisir, malgré tout, Tommy. Et puis, voilà. On règle ça autour d'un bon chocolat chaud. Ça me va. Merci bien. Beaucoup à l'équipe de 70%. Finalement, on va pouvoir se servir des trophées qu'on vous avait faits. On écoute Puff Puff Mix. C'est Serial Killer à 70% sur 100,5. Yeah. Je représente le monsieur plus merde. Réal, tu vas, merde. Aïe, aïe, le gros, j'ai mal à la tête. Hey, moi, tu merde. C'est qui s'est passé hier? Je sais pas, merde. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans RoboFlick 2. Vous êtes à l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Love me tender, love me true, Aubrey knows for Phil. Bruno et ses aventures de la Tinder sphère noire rouen-norandienne. Comment ça se passe? J'ai fait beaucoup de travail sur moi depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Tommy. Tu veux dire depuis 24 heures? Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu dormais dans le truc? Oui, exactement. Okay. Je faisais du travail sur moi. Okay. Je me suis posé des questions, beaucoup de questions. La plus importante étant, suis-je pogné dans un pattern? Très bonne question. Ouais. Gros dossier. Fait que j'ai décidé d'y aller un petit peu plus pointu pour commencer. Est-ce que j'ai besoin de bonheur dans ma vie ou est-ce que je suis en carence de joie, ce qui me pousse à chercher la validation à travers le sexe et la vengeance? Hein? La vengeance, ça revient encore. Hein? Oui, oui, ben oui, c'est ça. Mais parce que je pense que le sexe et la vengeance, c'est quand même c'est des thématiques qui sont intemporelles. Hein? On peut penser à la guerre de Troie, par exemple. Ben oui, clairement. par exemple. Oui, oui. Donc, pour vérifier, j'ai décidé de lâcher Tinder, lâcher les médias sociaux, puis je me suis assis pour contempler mon existence à chercher une solution plus simple pour remplir le vide. Comment remplir le vide, Tommy? Peut-être que la solution à ma solitude n'est pas une autre personne, mais quelque chose de plus profond, plus intangible, plus spirituel. Là, vous me voyez venir, je suis allé magasiner. parce que je veux faire un changement significatif. Et pour faire ça dans sa vie, ça commence par un changement physique autour de son environnement pour se retrouver soi-même, se ressourcer. Et quoi de mieux pour se redécouvrir et redécouvrir sa personnalité que l'achat d'un objet? Trouver un objet qui me définit en tant que personne, qui me représente, qui affirme quelque chose aux autres par rapport à ma personnalité. Qui suis-je? Laisse mon nouvel objet te le dire. Fait que là, je magasinais quelque chose qui disait par rapport à moi, je suis une personne persévérante et créative qui aime t'écouter et te conseiller de façon non invasive. mais pour trouver cet objet, il faut être capable de dialoguer avec soi-même, hein, avec son environnement et avec l'univers. Cela va sans dire. Fait que j'ai commencé à dialoguer avec moi-même et je réalise rapidement que je me tape vraiment ses nerfs. Incapable de me parler, c'est viscéral. Tu sais, quand t'aimes pas quelqu'un et tu comprends pas pourquoi. Là. C'est toi avec toi. Je me dis, je dois faire de la projection. Là, je m'attribue à moi-même ce que je déteste le plus par rapport à moi ou quelque chose du genre. Puis, si je suis pas capable de me parler à moi-même, je peux pas dialoguer ni avec mon environnement et encore moins avec l'univers, selon le livre de parapsychologie que j'ai lu pendant la journée. Donc, comme de fait, et comble de malheur, je n'arrive pas à trouver l'objet qui me définit assez en tant que personne et je n'achète rien. Mais je suis encore rempli de hargne, de colère, de vide. Dois-je trouver un nouveau cheval de bataille? Fait que je m'en vais au Maras pour réfléchir. Comment ça, menu réduit? Je peux pas avoir un hot dog. Comment, Maras? Un hot dog, calice. C'est trop d'étapes? Pour faire un hot dog? Injustice, j'exige des excuses publiques, monsieur le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région d'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord du Québec. Oh, OK, on est bien parti. On sent la motivation qui revient, là. Hein? C'est ça, bon. Je vais aller voir ce qui se passe sur Facebook, hein? Si je peux obtenir un peu de validation, retrouver un peu d'estime de moi en chialant sur une question polémique pour laquelle j'ai une opinion tranchée qui me permettra de démontrer ma verve aux personnes qui pensent exactement comme moi et démontrer à quel point les gens qui ne pensent pas comme moi n'ont pas raison. Comment ça, le Super NES classique Edition ne sortira pas au Québec? Ah, ça injustice! Nice. J'exige des explications, monsieur le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la Langue Française et ministre responsable de la Région de l'Estrie. Bon, je me sens mieux, là. Je pense que c'est toujours bon de gérer ses émotions pour devenir un membre actif de la communauté. Et Dieu sait que Facebook est un outil indispensable pour ce faire. Ouais, fait que je pense que je vais retourner faire un petit peu de Tinder, là. OK. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. On peut l'applaudir. Peut-être que c'était la fin de l'offre Tinder. On verra bien ce que ton FME nous réserve demain. Je sais pas, Tommy, De toute beauté. 70% se poursuit. Je pense qu'on va écouter un petit peu des Frères Gros et on vous revient avec notre technicien préféré, à part Alex, puis Mallette, puis en tout cas, un de nos techniciens qui va nous lire du Normal Amour de toute beauté. Vous êtes à 70% au 100,5 FM. Sinon, radio.fmeet. fmeet.org. Donc, on vous laisse avec une excellente chanson des Frères Crowe. On revient avec du Normal Amour, tout seul au monde, des Frères Crowe. Quand la ville s'endort, le silence hante nos consciences. On cherche un peu de réconfort sur les boulevards de l'espérance. Soir après soir. chanson. La porte était ouverte, il m'écoutait chanter dans le buisson, le petit pinson. Le petit pinson, il m'écoutait chanter, chanter, chanter ma chanson. 62. Retenait le gros bateau. Et quand le petit... Je joue pas attention, c'est ça comme lecture. Et quand les petits remorqueurs faisaient leur manœuvre, c'était quelque chose à voir. Mais avec une hélice puissante. Et ces petits remorqueurs-là, un placé en avant du gros bateau et l'autre à l'arrière... De voir où est-ce que ça nous amène, tout ça. Il manœuvrait pour ne pas que le gros 10 000 tonnes ne touche pas le pilier du pont. Alors les gens se ramassaient tout près de la rivière pour voir s'ils n'accrochaient pas le pilier du pont. C'était une intrigue à chaque fois. Et quand ils passaient une goélette avec un mât très haut, le surveillant du pont, dans sa petite cabine sur le pont, trouvait le pont Turcotte. Non, c'est radiophonique. Il y a quand même une ça. Vie pendant c'est que ça. Tu lis ça, il y a des gens qui font des choses. Il y a une ellipse. Pour la laisser passer. Tout ça nous fascinait. On pourrait dire que ça mettait de la vie dans le coin. Quand ces trains passaient sur les rails, sur la voie ferrée. Dans ce temps-là, c'était les gros engins, les grosses engins, toutes noires, les locomotives, qui lâchaient leur fumée blanche. À leur passage, on devait faire attention. Quand on allait sur la voie ferrée, de ne pas rester dessus quand le train passait. Et chez moi, avoir la maison qui chambranle à chaque fois que le train passait et il faisait ses choux, tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Ah, il écrit ce que le train faisait, Carlis. Et qu'il les faisait à répétition. Et voilà. Le conducteur du train, lui, il tirait cela longtemps. Longtemps. C'est lui, le conducteur du train, qui était responsable de tout cela. Et moi, pauvre moi, encore dans mon lit, à cette heure-là, à cette heure du matin, je me réveillais en sursaut. Savez-vous pourquoi? C'était à cause que mon lit branlait. Ça... Mais il y a plus de punch que dans Doris. Ça... Il parlait du train, là. Il parle de sa patte de lit. Non, le train, il passe sa ville. Il parlait ça du... le réveille. Il parlait parce du que quand débardeur passe, qui tassait le les paquebots. Le pas tout le monde en même temps. Continue, Mathieu. Okay. J'irais même jusqu'à vous dire qu'il se faisait secouer. Alors, je me trouvais réveillé. Je pense que c'est une analogie. C'est très anal, en effet. Moi, mais lui, le conducteur, il avait peur que le pont soit encore ouvert. Que voulez-vous? Il avait pas idée de tomber à l'eau. Alors, il faisait crier le train à s'en fendre l'âme. Merci beaucoup, Mathieu Potvin, mesdames, messieurs. C'est un beau défi. Incroyable, gros. De toute beauté. Merci beaucoup, Mathieu. On est à 70%. Je vais mettre une dernière toune des frères Grou avec Jean-Pierre Ferland avant de vous en parler à 70%. Et on tranquillement, pas vite, on va demander à nos amis Céréales Keller de nous offrir leur performance live et tout et tout. Et ici, on a Jean-Pierre Ferland et les frères Grou qui nous chantent Un gentilhomme et un champion. C'est sûr que vous aviez besoin de ça. Vous êtes à 70%. Malgré tout, malgré la mort. Tu dois rire dans le salon du champion, à côté de Napoléon, de nous voir déconsolés. C'est qu'on ne voit pas souvent passer dans le ciel des célébrités un gentilhomme et un champion. Pendant que Jean-Pierre Ferland nous chante avec les frères Roux, j'annonce à la radio live que si je gagne mon gagnant à vie que j'ai là, qu'on va gratter en direct, je donne 10$ à chaque personne qui est dans la radio. Toutes les personnes qui sont à la radio en ce moment. Radio de 70, toutes les personnes qui sont en train d'écouter l'émission de radio de 70% en ce moment, si Andy gagne, il vous donne 100$ non, par semaine. 10, 10, tout le monde qui nous écoute 10, à la radio aux 10, heures, à l'antenne de 10 par personne. 10. Comment Bruno? 10. Ok, on commence avec le jeu 1. C'est assez haut. Oh, 2 vies. Ok, ça commence vite. Il y a 2 vies là. Non. Ça a passé. Mais ça a passé proche, il y avait 2 vies. On y va avec le jeu 2. Il y a 6 jeux en tout. Oh, encore 2 vies. Ça fait pas. C'est sûr qu'on va gagner. Je peux pas concevoir. Ok, non, il y a toujours pas de vie dans la deuxième colonne, mais une troisième colonne. Fait qu'il y a possibilité de. Oui, donc. Oh non, il y avait rien que 2 colonnes. C'est pas grave, on s'en va au jeu 3. Oh, oui, donc. Combien de vies? Ah, il n'y a pas de vie dans celle-là. Il y a un 5-4, par exemple. Pendant que tu es en train de gratter le gratteux, je vous annonce que la chanson « Un gentilhomme et un champion » de Jean-Pierre Ferland et des frères Groux a 354 views sur YouTube et c'est un hommage à Chose Villeneuve, le moins loser des Villeneuve. Ça. OK, là, on s'en va dans le jeu 4. Le jeu 4, c'est un peu différent. Il faut ramasser 3 symboles identiques, mais ça donne un lot à la fin. On ne sait pas c'est quoi encore. J'ai pas vu ici, fait que j'irai pas voir c'est quoi le lot. On s'en crisse, on n'a pas gagné. Non, c'est ça, on veut pas jeu 5. Se tourner le fer dans le plein. Jeu 5, c'est la même affaire, donc on va voir. Non, toujours rien. Fait qu'on va pendant ce temps-là, on a le bridge. Reste un jeu. Fait que c'est le dernier jeu, c'est le jeu où est-ce que tout le monde peut gagner. Check le bridge, toi. Ah, c'est-tu que c'était bon? Hein? Alors, on a un vie, un 8, un 500. On a 2 8. Ben, j'ai gagné 8$. Ben, je suis désolé pour tout le monde. C'est moi qui ai gagné. Tu vas nous piastres. Donner 10$ par semaine à vie, tout le monde qui écoutait. Si je gagnais, un gagnant à vie. Ah, voilà. Moi j'avais cru comprendre. Oui, c'est ça le nom. On avait mal établi les bases. Il va falloir rechecker le contrat. Et donc, merci beaucoup, Andy, de nous avoir fait savourer ce moment d'anthologie. Sûrement, les oreilles les plus chastes s'en rappelleront pour l'éternité. Moi, je vous amène tranquillement, pas vite, vers. La pièce musicale conséquente, le chunk de créativité qui s'appelle Les Frères Groux. On va en parler parce que sinon personne va en parler jamais si c'est pas nous. Et avec plaisir, je vous ramène donc aux frères Richard et Norman Groux. Les frères Groux. Les deux se sont fait connaître comme les deux gars incarnant le mieux la couleur beige au Québec. On est dans les années 70. Mais en plus, et surtout en particulier, lors de leur participation à l'opéra rock Starmania Made in Québec. Alors que Richard a eu la très délicate tâche de jouer le personnage de Zéro Janvier et ainsi reprendre le blues du businessman, un classique popularisé par Claude Dubois, artiste qui a le temps record entre être un monument de la chanson francophone et devenir une mascotte de club optimiste. L'autre frère Groux, le frère Norman, tenait quant à lui le rôle de Johnny Roquefort, un personnage qui a un nom. Plus tard, en 1990, les deux lancent un premier album à leur nom simplement intitulé Groux. Ouch! Il contenait quelques pièces qui ont connu une belle notoriété, dont le succès San Seré, qu'on a écouté tantôt, et On est des loups, qu'on va écouter tantôt, qui avait fait l'objet de vidéoclips. Par la suite, ils ont aussi travaillé comme choristes sur un album de sa grandiose majesté rock voisine, dit Chevalier de Braillon et Écusson de la Vertu, Grand Chevalier des Lettres de la République, Belle Gueule en général et Danny Ross dans l'an 50. Mais où sont-ils rendus en 2017, ces épitomés du végétariat humble et fécond de notre belle Québec? En fait, les deux frères ne s'en sont jamais cachés en entrevue ou ailleurs. Ne cessèrent de rappeler à tout ce qu'ils pouvaient entendre, c'est-à-dire journalistes, voisins d'allées de bowling, caissières, portes laissées ouvertes, caméléons d'aquarium ou compagnons d'autobus, sans cesse et régulièrement. « On veut investir dans l'immobilier! » Avoir des grosses maisons puis des amis qui habitent avec plein de tuyaux puis du filage. Des grandes puis des grosses maisons où on pourrait avoir des amis puis on aurait des tuyaux puis des fils électriques à s'occuper d'eux pour que nos amis restent avec nous dans nos grosses maisons pleines de fils puis de tuyaux. J'aime ça, les tuyaux. Mon frère, lui, c'est plus les câblages. Fort des argents amassés via leur tournée mondiale et des ventes colossales de l'album intitulé « Grou » en 1990, les deux gigas vedettes internationales ont opté pour prendre leur retraite et focusser sur les vrais défis qui les enflammaient. C'est ainsi qu'au grand déplaisir de leur horde de fans, ils raccrochèrent leur perfecto et leur micro au profit de blocs appartements à Blainville et Mirabel. Des grandes maisons pleines d'amis. Les contre-coups ont été conséquents. On évalue à 69 suicides les pertes humaines totales résultant de ce changement de carrière, pourtant annoncé de ces deux bellâtres recouverts de cuir et de jeans qui affichent encore de nos jours la virile calvitie apprêtée façon Longueuil. La légende veut qu'ils furent forcés de déménager et changer d'adresse plusieurs fois pour tenter de stopper le flot de paquets indésirables contenant des parties humaines de fans qui ne cessaient de les envoyer à leur cossue résidence située sur une presqu'île artificielle de l'Estérel. Il faut dire qu'à l'époque, envoyer des images de ces parties génitales était pas mal plus de troubles que de simplement envoyer les dites parties en petits paquets. Mais bon, le destin en était jeté, les frères Grou avaient choisi le titre d'intendant d'immeuble plutôt que celui de rockstar intersidéral adulé universellement par l'unisson de toutes les consciences. En date d'aujourd'hui, Richard, passionné d'électricité immobilière, vise à terminer un diplôme professionnel débutant en 1994, tandis que Norman se serait autoproclamé spécialiste en plomberie sous toutes ses formes. Mais ça, c'est une autre histoire. Une histoire de laquelle tout le monde se calisse. Donc, ce troisième band, qui aurait sûrement fait partie du FME en 1990 si le festival avait eu lieu à l'époque, et de qui vous n'entendrez sûrement plus jamais parler, on est avec... voyons, je viens d'en parler, là, c'était... Giroux. Ça ressemble à ça, ça. Les frères Grou. Géros, là. Les frères Grou. Voilà, on écoute donc leur plus grand hit, l'excellent On est des loups. Ah, vous n'êtes pas payé pour faire ça. Moi non plus. Ça se passe. Alors, ça, c'est tout seul. Je vais avoir seul. Ah, là, non, ici. C'est pas la bonne. C'est ça. Je voudrais pas juger, mais c'est un peu de la merde ce que tu fais écouter en ce moment. Mon oreille est pas ouverte à ça, man. Ok, les gars de céréales, quelle heure ont l'air pompés à bloc. Je suis le bord de sortir mon gun, man. Je suis le bord en esti. Elle n'est pas sorti son gun, esti. Ça va sentir les pétards à mèche partout, oui, dans la place, gros, aussi. Calme-toi les nerfs. Fais attention, tes poumons, je peux les scraper demain. Demain. Voilà, ouais. Donc, là, les gars, vous avez traversé le parc, vous avez du beat et tout. Qu'est-ce qu'on fait, là? Mais là, écoute, on va te présenter une nouvelle, ben pas une nouvelle, mais une autre façon de s'amuser, man, qu'on appelle les jeux de société, man. Tu sais, je te l'ai dit hier, gros, c'est super important la sécurité. Puis dans les jeux de société, il y en a beaucoup. Ça fait des soirées tranquilles, c'est ça. Tu fasses attention, pas de paper cut avec le c'est ça, puis les côtés, tout, des fois, les boîtes de jeux, tu sais, mais ouais. C'est rough plus, puis, là. Puis, mais... c'est le fun aussi, les jeux de société, parce que souvent, il y a plein de règles qui viennent avec ça, donc ça l'aide, la voilà, sécurité. Voilà, ça encadre toute l'affaire. Puis comme n'importe quoi, tu peux ne pas les suivre aussi. Coudonc, toi, tu connaissais les jeux de société, tu fan? Je suis adaptable. Bon. On peut me dire quoi faire. J'aime ça parler à l'impératif. C'est bon. C'est bon, ça. Fait que vous nous chantez ça. On écoute Brasse les cartes. Ben, c'est ben, ça, je pense. Ça ressemble à ça, merde. Asti, que je suis content que vous soyez là. Ben, nous autres aussi. C'est pour toi, gros. Je double clic qu'on part. Sylvain Noël est heureux. Checkez comment il est heureux. Le gros, man, il y a de la guerre gratis. Nous autres, tu réussis en studio. Ça lève les mains. Ça dit que c'est heureux. Comme d'habitude. 16 heures de route, le gros. Yes. Hey, surprends-toi pas. Non. Paraîtrait que c'est les Chinois qui ont inventé les jeux de cartes en 1370. En jeu de société, culture générale, il faut que ça sache. Hey, on peut lever les bras dans le studio. Les bras. Du studio aussi, je sais pas s'ils nous entendent, man. Brosse les cartes, gros. T'es-tu dans la T'es-tu dans la gang, gros, yeah? Lance les dés! À quoi qu'on joue? On parle de Monopoly, c'est moi le moins pourri, j'te dis! J'peux faire diversion, t'enlever les yeux de la table, j'te crisse une claque, j'te pète ta place, tu pars! J'ai fait que tu gardes tout le temps le canon, parce que tu peux tout faire avec un gun, t'es aussi ben pas trouvé ça con! M'a sorti mon vrai, m'a te le coupé ton fun! Uno à tout belote 21, j'te clenche n'importe quand à bataille, j't'ai imbattable au jeu de table! Mais c'est avec les cartes que je deviens maniaque. Faut que je reste focus, j'apprends tout poker. Ocus focus, la dame de pique, la dame de cœur. Ocus focus, l'argent du bas. J'ai tout misé sur 52, je ramasse. T'es-tu dans la game, gros, yeah? Lance les deux. Tout le temps avoir un os d'un poche, donner la place en solitaire. Ma main au feu, que c'est pas toutes les bros que ça rend heureux. Oh non! J'ai comme une puce à l'oreille qui me dit gros réveil. Attention, pas de perdre le jeu, c'est pas sérieux. La vie, c'est comme pige dans le lac, pis le trou d'une game de risque, pis Pokémon Go. L'autre fois, ben assis, je me cherchais un défi, pas juste une game d'une autre. You know, je suis un thug, so cherche pas le fuck, pis donne-moi quelque chose de gros. Fait que là, je me suis décidé, jamais mieux servi que par mon moui. Jamais ma blonde Monique dans une game de risque. Ont eu trois enfants avec la gang Finis. Brasse les cartes, gros, lève tes bras. C'est à quoi qu'on joue? À quoi qu'on joue? Lance les dés, gros! C'est à quoi qu'on joue? Lance les dés, gros! Brasse, brasse, brasse les cartes! Prends ça, relax, dans l'excès, on s'écarte! Lance, lance, lance les dés! C'est King the Gangster, commencez ta journée! Vois la vie comme une game, personne peut gagner. Lance, lance, lance, je ramasse tout le cash quand je joue à PD. Les bras des airs, man. En mets ta planche de toc, ton sac de billes, gros. Pis ton jeu de crime. On va jouer pour du cash. Ou juste pour le fun. Brasse les cartes, gros. T'es-tu dans la game, gros, yeah? À quoi on joue? À quoi on joue, gros? À quoi qu'on joue? Brasse les cartes, gros! Yeah! Comment? T'es-tu dans la game, gros, yeah? À quoi on joue? Lance les dés! À quoi on joue? Bonjour. Drop the mic. Mesdames et messieurs, on peut applaudir. C'était Céréales, quelle heure! En direct des studios de CFME, vous venez de... On accepte les sous-vêtements, gros. 70%. Hey, pour terminer l'émission, ça va être Andy qui nous chante un petit karaoké. Oui. Laissez la place à ce qui s'en vient et la suite. On vous revient demain pour une dernière édition. Je pense que vous connaissez le thème, donc vous pouvez chanter avec nous. Et voilà, ben, sinon on va faire transition. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui prenne le relais bientôt. Merci beaucoup à tous les collaborateurs. Merci à tous les amis. Andy, je te laisse avec ça. On y va. À demain. Mais quand même, c'est un bye-bye. Puis peut-être...